Deuxième livre des Chroniques, chapitre 12. Or il arriva qu'aussitôt que le royaume de Roboam fut établi et fortifié, Roboam abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna aussi avec lui. C'est pourquoi il arriva que la cinquième année du roi Roboam, Sisa roi d'Égypte monta contre Jérusalem, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait avec lui 1200 chariots, et 60 000 hommes de cheval, et le peuple qui était venu avec lui d'Égypte, savoir, les Libyens, les Sukiens, et les Éthiopiens, étaient sans nombre. Et il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda, et vint jusqu'à Jérusalem. Alors Semaïa le prophète vint vers Roboam, et vers les principaux de Juda, qui s'étaient assemblés à Jérusalem à cause de Sisa, et leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel, vous m'avez abandonné, c'est pourquoi je vous ai aussi abandonné entre les mains de Sisa. » Alors les principaux d'Israël et le roi s'humilièrent, et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel eut vu qu'il s'était humilié, la parole de l'Éternel fut adressée à Semaïa, en disant, « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai point, mais je leur donnerai dans peu de temps quelques moyens d'échapper, et ma fureur ne se répandra point sur Jérusalem par le moyen de Sisa. Toutefois ils lui seront asservis, afin qu'ils sachent ce que c'est que de ma servitude, et de la servitude des royaumes de la terre. » Sisa donc roi d'Égypte monta contre Jérusalem, et prit les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison royale, il prit tout, il prit aussi les boucliers d'or que Salomon avait fait. Et le roi Roboam fit des boucliers d'airain au lieu de ceux-là, et les mit entre les mains des capitaines des archers, qui gardaient la porte de la maison du roi. Et quand le roi entrait dans la maison de l'Éternel, les archers venaient, et les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre des archers. Parce donc qu'il s'humilia, la colère de l'Éternel se détourna de lui, en sorte qu'il ne les détruisit point entièrement, car aussi il y avait de bonnes choses en Juda. Ainsi le roi Roboam se fortifia dans Jérusalem, et régna Zéroër. Roboam était âgé de 41 ans, quand il commença à régner, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie d'entre toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom, et sa mère avait nom Naama, et était ammonite. Mais il fit ce qui est déplaisant à l'Éternel, car il ne disposa point son cœur pour chercher l'Éternel. Or les faits de Roboam, tant les premiers que les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les livres de Semaïa le prophète, et d'Ido le voyant, dans le récit des généalogies, avec les guerres que Roboam et Jéroboam ont eues tout le temps qu'ils ont vécu? Et Roboam s'endormit avec ses pères, et fut enseveli en la cité de David, et Abija son fils régna en sa place.